50 languages. 23. 23. تعلم اللغات الأجنبية. Apprendre des langues étrangères. Apprendre des langues étrangères. أين تعلمت الإسبانية؟ Où avez-vous appris l'espagnol? Où avez-vous appris l'espagnol? هل تتكلم البرتغالية أيضا؟ Parlez-vous également portugais? Parlez-vous également portugais? نعم، وأتكلم الإيطالية قليلا. Oui, et je parle aussi un peu l'italien. Oui, je parle aussi un peu l'italien. أرى أنك تتحدث بشكل جيد للغاية. Je trouve que vous parlez très bien. Je trouve que vous parlez très bien. اللغات متشابهة إلى حد ما. Les langues se ressemblent. Les langues se ressemblent. أستطيع أن أفهمها جيدا. Je peux bien les comprendre. Je peux bien les comprendre. لكن التكلم والكتابة فيهما صعوبة. Mais les parler et les écrire est difficile. Mais les parler et les écrire est difficile. لا أزال أرتكب الكثير من الأخطاء. Je fais encore beaucoup de fautes. Je fais encore beaucoup de fautes. أرجو أن تصحح لي في كل مرة. N'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît. نطقك سليم للغاية. Votre prononciation est très bonne. Votre prononciation est très bonne. لكن لديك لكنة بسيطة. Vous avez un léger accent. Vous avez un léger accent. يستطيع المرء أن يعرف من أين أنت. On devine d'où vous venez. On devine d'où vous venez. ما هي لغتك الأم؟ Quelle est votre langue maternelle? Quelle est votre langue maternelle? هل أنت مشترك في دورة اللغوية؟ Suivez-vous des cours de langue? Suivez-vous des cours de langue? أي منهاج تستخدم؟ Quel matériel utilisez-vous? Quel matériel utilisez-vous? في الواقع لا أتذكر اسمه. Pour le moment, je ne m'en souviens plus. Pour le moment, je ne m'en souviens plus. العنوان لا يخطر ببالي الآن. Le titre ne me revient pas. Le titre ne me revient pas. لقد نسيته. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié.